capitaine, oh mon capitaine, pourquoi craches-tu sur ton garçon? T'aurait-il fait autant de peine, mériter le ceinturon? Comment peux-tu blesser ainsi l'âme d'un enfant, l'âme d'un pays? Ne pourra jamais vieillir, pourra seulement te haïr. Pense qu'il ne pardonnera pas les saletés, les coups de poing. Rêve de te voir à tes pas, t'étrangler de ses propres mains. Devra lutter toute sa vie, car dès l'école on lui dira: c'est pas drôle ce qui t'arrive petit, je veux t'aider mais le boss veut pas. Pas d'argent à mettre là-dessus, ça coûte trop cher en armement. Vois bien que ce n'est pas une vue, Zorro n'est pas là au tournant. Qu'il ne pardonnera pas les saletés, les coups de poing. Rêve de te voir à trépas, t'étrangler de ses propres mains. Bonhomme, je t'en supplie, laisse-le en paix, laisse-lui sa vie. Tu n'as plus rien à aimer, toi que lui veux respirer. J'ai peur aussi qu'un jour il croie que pour survivre il faut taper. Ta mémoire célébrera, ton poing sera réincarné. Qu'il ne pardonnera pas les saletés, les coups de poing. Rêve de te voir à trépas, t'étrangler de ses propres mains. La violence est un problème, tu peux prêcher contre les guerres. Tu brandis ton propre emblème, ta cour devient un cimetière. Écoute bonhomme, je t'en supplie, trouve un docteur, trouve un ami. Laisse ton fils rêver la nuit, laisse ton fils, laisse-le en vie. Il ne pardonnera pas les saletés, les coups de poing. Rêve de te voir à trépas, t'étrangler de ses propres mains.